السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Donc on continue avec notre livre intitulé العلم فضله وشرفه. Donc c'est une compilation des paroles de Cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullah alayhi, où il cite en 130 points toutes les vertus et les bienfaits de la science. Donc le titre est intitulé العلم, donc la science, فضله وشرفه, donc ses vertus et son honorabilité. Et on est arrivé au point 24. Hein, Safaru, Safaru Nabiin Talaba l'ilm. Safaru Nabiin Talaba l'ilm. Donc le voyage d'un prophète ou d'un envoyé pour la demande de la science. Anna Allah subhanahu akhbarana an safihi wa kalimihi alladhi katabarahu at-tawrat biyadihi wa kallamahu minhu ilayhi annahu rahala ila rajulin alimin yata'allamu minhu wa yazdadu ilman ila ilmihi faqala. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا. سورة الكهف verset 60. سورة الكهف verset 60. حرصا منه على اللقاء هذا العالم وعلى التعلم منه فلما لقيه سلك منه مسلك المتعلم مع معلمه وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Soit le Kahf verset 66. Soit le Kahf verset 66. Fa badahu bada salam bil istizan ala mutaba'atihi wa annahu la yattabi'uhu illa bi idnihi wa qala ala an tu'allimani mimma 'allimta rujda fa lam yaji mumtahinan wa lam mut'annitan wa innama ja'a mut'alliman mustazidan 'ilman ila 'ilmihi wa kafa bi hada fadlan. والشرف عن العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله وكريمه سافر ورحل حتى لقي نصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم ولما سمع به لم يقرر له قرار حتى لقيه وطلب منه متابعته وتعليمه. Donc c'est le voyage d'un envoyé, donc c'est Moussa alayhi salatu wassalam, pour l'apprentissage de la religion. Donc certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué et nous a annoncé justement ce voyage de ce prophète, hein, donc du prophète qui était donc choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, et en plus qui est celui avec qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, et celui donc qui a reçu la Torah qui a été écrite par la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a parlé, il est parti vers un homme, donc rahala, il a voyagé. Donc là on voit qu'il y a un talab, il y a un voyage. Il y a un voyage qui est long et qui est fatigant, qui est parti vers cet homme afin d'apprendre de lui. Parce qu'il a su de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que cet homme était quoi? Plus savant que lui. Il connaissait donc certaines choses que Moussa alayhi salatu wassalam ne connaissait pas. Donc il est parti afin de quoi? D'augmenter justement sa science, afin de profiter et d'augmenter sa science, Moussa alayhi salatu wassalam. Donc il dit Moussa alayhi salatu wassalam dans Sourate Al-Kahf, verset 60. Rappelle-toi quand Moïse dit à son valet, je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers. Dussé-je marcher de longues années. Donc vous voyez bien à la fin, dussé-je marcher de longues années. Donc apprendre, pour apprendre ne serait-ce que un peu d'ilm, il sait qu'il va apprendre quelque chose, il est capable de traverser, hein, donc regardez, donc de traverser tout ce qu'il a traversé et de marcher très longtemps, même si c'était pendant des années. Le fait qu'il voulait juste quoi, augmenter sa science afin d'augmenter sa foi en même temps. Donc il voulait bien sûr, Moussa alayhi salatu wassalam, donc rencontrer ce savant afin d'apprendre de chez lui et aussi de suivre donc ce que ce savant va lui apprendre. Et il a suivi donc le chemin de l'élève qui en fin de compte en fait donc l'élève envers son professeur, de celui qui va apprendre envers celui qui va lui enseigner. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala donc dans Surat Al-Kahf verset 66, donc Moussa dit Puis-je suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction? Donc il demande, donc il y a une demande, Moussa, alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait avant, bien sûr, après l'avoir salué, il lui demande l'autorisation de le suivre. Puis-je suivre? Donc c'est un adab. Là on voit qu'il y a un adab fait par talab al-ilm. Il y a une éducation des meilleures des personnes qui sont les prophètes. De quoi? De vouloir. Est-ce que tu me permets de rester avec toi, ô savant, afin que je puisse profiter de toi? Donc il lui demande de le suivre. Et il ne le suivra pas que après avoir, bien sûr, eu la permission. Et qu'est-ce qu'il lui dit donc par la suite? Donc il lui dit, hein, afin que tu m'apprennes de ce que, bien sûr, hein, on t'a appris pour, c'est-à-dire suivant, concernant la bonne direction. Concernant la bonne direction. Donc on voit que Moussa, alayhi salatu wassalam, n'est pas venu voir ce savant, c'est-à-dire pour l'éprouver, pour tester, hein, pour tester sa science, ou bien pour le dénigrer. Mais il est venu en tant qu'apprentisseur, en tant que personne qui va apprendre, en tant qu'élève qui va apprendre, afin de quoi? D'augmenter sa science avec la science qu'il avait déjà, parce que c'est déjà un envoyé. C'est parmi les envoyés les plus importants. Et cela est une preuve, encore une fois, claire et évidente, pour montrer, bien sûr, la haute valeur, c'est-à-dire la valeur de la science, ainsi que son honorabilité. Et certes, donc le prophète d'Allah, et en même temps celui qui a parlé avec Allah, donc a voyagé, Safara. Il a voyagé, hein, donc il a traversé, bien sûr, des contrées, il a traversé, jusqu'à ce qu'il trouve une fatigue, Nasaba. Donc il a trouvé, hein, dans ce voyage, comme on voit dans le Coran, Nasaba, dans son Safar, dans son voyage, afin de quoi apprendre trois sujets, trois sujets différents. De qui? D'un homme, bien sûr, qui était savant. Et lorsqu'il l'a entendu, hein, donc il lui a appris, lorsqu'il est arrivé chez lui, bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a rencontré, et donc il a suivi, et il a appris de lui. Donc il est resté, il a appris la science de lui, il l'a suivi, et quoi? Il a, bien sûr, appris de lui. Wa fi qissatiha, عبر وآيات وحكم ليس هذا موضع ذكرها. Mais bien sûr, on peut retrouver, bien sûr, dans cette histoire, hein, dans le Qissat Moussa avec le Khadr, donc bien sûr beaucoup de bénéfices. Et donc c'est pas le sujet, enfin de rentrer dans les détails de ces bénéfices, mais il y a beaucoup de bénéfices par rapport, bien sûr, au sujet de Moussa et le Khadr. الوجه الخامس والعشرون. Le 25e point. فضل التفقه في الدين. La vertu de la compréhension de la religion. La vertu de vouloir comprendre la religion. Wa qawluhu ta'ala dans surat Tawba, verset 122. Surat Tawba, verset 122. Wa ma kana al-mu'minuna yunfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fi ad-din wa linziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Donc surat Tawba, verset 122, donc subhanahu wa ta'ala dit, donc les croyants n'ont pas à quitter leur foyer pourquoi de chaque clan, quelques hommes, ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde. Nadaba ta'ala al-mu'minin ila tafaqquhi fi ad-din wa huwa ta'allumuhu wa inzari qawmihim idha raja'u ilayhim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donc exhorte les croyants à connaître la religion, donc à prendre de la science dans la religion, à connaître la religion, à comprendre la religion. Et c'est bien sûr là, comment on va comprendre la religion? C'est par le biais du ta'allum, de l'apprentissage. Et aussi afin de quoi? Afin d'exhorter ou afin de prévenir leur peuple lorsqu'ils vont revenir vers eux. Et ça, c'est ta'alim. Donc, on voit qu'il y a un départ. Il y a le premier point, c'est ta'alum. Et le deuxième point, c'est ta'alim. Donc, le premier point, c'est d'apprendre. Et le deuxième point, c'est quoi, c'est ta'alim? Donc, on ne va pas faire le ta'alim avant ta'alum. On ne va pas enseigner si on n'a pas appris. On apprend d'abord et après, on enseigne. Donc, comme il dit, donc là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré, bien sûr, en même temps, la façon de faire. وقد اختلف في الآية فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم لتفقه وتعلم بل ينبغي أن ينفروا من كل فرقة منهم طائفة. تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدين فيكون النفير على هذا النفير تعلم وطائفة تقال على الواحد فما زاد. Donc l'explication de ce verset, mais si on va retrouver donc plusieurs avis par rapport à l'explication de ce verset, c'est que le sens, donc certains disent que le sens est que pas tout le monde doit bien sûr voyager. Donc c'est pas demander à tout le monde de voyager afin d'apprendre sa religion. Mais il faut nécessairement que certains d'entre eux, donc un groupe, firqa, donc un groupe ou même une personne, donc certains d'entre eux vont partir et voyager afin d'apprendre la religion, afin de connaître la religion, et de quoi ? Et de revenir pour enseigner à qui ? À ceux qui sont restés, les qa'idin, ceux qui sont restés à cet endroit. Donc le nefir, donc le fait d'avoir voyagé, le fait d'être parti, c'est donc pour justement apprendre. Et taïfa, dans la langue arabe, taïfa, donc ça peut être, bien sûr, donc ça peut signifier aussi une seule personne. Donc hein, dans le coin, dans la région, dans le quartier, dans la ville, on va dire dans le coin, ça peut être une seule personne. Ça peut, c'est pas obligé que ce soit, bien sûr, un groupe de personnes. Ça peut être taïfa, ça s'applique aussi pour une seule personne. Et plus ou bien plus. وَقَالُوا فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِ الْخَبَرِ الْوَاحِدِ وعلى هذا حملها الشافعي والجماعة. Et ils ont dit aussi, donc les savants, que cela est une preuve que l'on peut accepter donc le khabar, donc l'annonce d'une seule personne. L'annonce d'une seule personne. Et l'imam Shafi'i et d'autres, bien sûr, disent cela. Donc c'est l'avis de l'imam Shafi'i et d'autres savants encore. Pour dire que Kaboul, khabar al-wahid, yakfi. Donc le fait d'accepter, bien sûr, l'annonce d'une seule personne. À partir du moment que la personne, elle est bien sûr sûr, on accepte d'elle. Parmi les preuves aussi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une seule personne dans telle contrée, un seul compagnon dans d'autres contrées. Donc il a envoyé une seule personne qui allait enseigner aux gens la religion. Donc cela aussi est une preuve. Donc voilà déjà parmi les preuves. Parce que ta'ifa, ça s'applique aussi dans la langue arabe pour un, pour une seule personne. Wa qalat ta'ifatun ukhra wal ma'na wa ma kana al mu'minun liyanfiru ila al jihad kulluhum. C'est-à-dire que un autre groupe dit que le sens veut dire que ça ne sait pas, ou bien ce n'est pas demandé aux croyants de tous partir vers la djihad. Hein? Donc l'yanfiru, parce que l'yanfiru, c'est-à-dire comme quoi l'imam leur a donné l'ordre de partir. Donc ce n'est pas tout le monde qui va partir. Bayambari, un tanfirata et fatunil djihad. Donc il faut qu'un groupe parte dans la djihad. Ou afirkatun, takoudou. Et un groupe va rester afin d'apprendre la religion. Donc le groupe qui est parti, hein, lorsqu'elle revient, donc le groupe, qu'est-ce qu'il va faire lorsque. Donc il y a un groupe qui va rester, il y a un groupe qui va partir pour la djihad, puis un groupe qui va rester afin de connaître et apprendre la religion. Et le groupe qui est parti pour. Ce combat, lorsqu'il revient, il va profiter de ceux qui sont restés, qui ont appris cette science. Parce qu'ils ont profité, c'est-à-dire le temps de cette djihad, ils ont profité pour apprendre cette science, afin d'enseigner à ceux qui sont revenus, c'est-à-dire ceux qui ont été, bien sûr, révélés dans la religion comme licite et illicite. Donc, par rapport à cette parole, donc, lorsque le fait de dire qu'ils vont apprendre, hein, le fait qu'ils vont apprendre la religion et qu'ils vont avertir aussi leur peuple, c'est justement pour le groupe qui est parti. Hein, c'est-à-dire qui est parti, c'est bien sûr, ça c'est la majorité des savants. La majorité des savants parle par rapport au fait que c'est ceux qui partent pour bien sûr apprendre la religion. وعلى هذا النفير نفير الجهاد على أصله وأنه حيث استعمل إنما يفهم منه الجهاد. Donc bien sûr là, lorsqu'on parle hein, par rapport donc par rapport à la djihad, donc on comprend que c'est par rapport à ceux qui vont bien sûr nous combattre, et lorsqu'on entend par rapport à ça, on comprend que c'est le mot djihad qui est utilisé ici par cela. Faqala ta'ala infiru khifafan wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Surat Tawbah verset 41. Surat Tawbah verset 41. Infiru khifafan wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Surat Tawbah verset 41. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد والنية وإذا استنفرتم فانفروا. الحديث اللي rapporté par البخاري المسلم. Donc il dit subhanahu wa ta'ala, léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah, cela est meilleur pour vous si vous saviez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, donc il n'y a pas de hijra, il n'y a pas d'immigration après le fait. Le fait Mecca. C'est-à-dire qu'une fois que les gens sont revenus à Mecca, ils n'avaient plus besoin d'émigrer. Alors qu'on sait que les compagnons ont émigré deux fois. Hein, ou bien même on pourrait dire trois fois. Donc deux fois à Habasha, il y a la première émigration et la deuxième émigration à Habasha. Donc la première, c'était un petit groupe, ils sont revenus parce qu'ils ont cru que ça allait mieux chez les musulmans. Ils ont vu que c'était pire, ils sont repartis, ils étaient encore plus. Et la troisième migration, celle qui est partie, donc la plus grande, celle qui est partie, donc celle dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abou Bakr et après ceux qu'ils ont suivi après, sont partis à Médine. Donc une fois qu'ils sont revenus, une fois qu'ils ont ouvert Mecca, il n'y avait plus, donc à ce moment-là c'était interdit, il n'y avait plus de hijra après le fait. C'est-à-dire plus de hijra à partir de Mecca. Mais il y a plutôt donc le combat et la niya, et l'intention. Et si on vous demande de sortir en combat, vous devez le faire. Donc à ce moment-là, c'est l'imam qui décide. Donc, à ce moment-là, on demande si l'imam décide. Mais ce n'est pas le premier venu. Ce n'est pas le premier venu qui va s'asseoir hein, dans n'importe quelle demeure, dans n'importe quelle maison, de n'importe quelle personne qui va ramasser comme ça, en cachette, et en secret, des petits groupes de jeunes qui ne connaissent rien, afin de les envoyer ailleurs. Non, à ce moment-là, c'est l'imam qui est reconnu par tous les musulmans, et surtout par les savants, par commencer, bien sûr, par les savants. « Wahada wal ma'ruf min hadil lafza » Et c'est ce qui est connu par rapport bien sûr, à cette langue, par rapport à ce mot. Que ce soit le premier ou la deuxième parole, lorsqu'on voit ces deux paroles, il y a bien sûr une exhortation dans quoi ? Dans le fait de vouloir apprendre, justement, de vouloir connaître la religion. Et aussi le fait de vouloir enseigner, donc apprendre et enseigner la religion. Wa ta'allumi, c'est donc le fait de connaître, apprendre la religion et l'enseigner à Fouane. Fa inna dhalika ya'dilu al-jihad. Parce que cela est quoi? Est comparable. Et ça, donc ça équivaut à la jihad. Ben rubbama yakun afdal minhu. Et même voir, c'est encore meilleur. Parce que Allah dit bien dans un verset, wa jahadum bihi jihadan kabira. Allah dit dans un autre verset, et comparer avec le plus grand jihad, le grand jihad. Et le ulam, donc dans le tafsir de cela, c'est. Le plus grand jihad que tu peux faire envers les personnes, c'est justement leur faire connaître la religion. C'est plus important que le reste. Parce que là il y a quoi ? Il y a ce qu'on appelle donc il y a le fait que tu vas protéger Ras el Mel. Tu vas protéger Ras el Mel que doit avoir le musulman, c'est-à-dire le pécule hein, d'origine, afin que la personne ne soit pas donc morte ou bien pauvre, contrairement au gain. Le fait de protéger l'origine, ne serait-ce que d'avoir quelques bases de religion, est plus important que le fait de quoi ? C'est-à-dire de ne pas perdre cela, c'est plus important que le fait d'augmenter, c'est-à-dire par exemple dans la science, ça c'est plus important. Le fait de ne pas perdre, c'est plus important que le fait d'augmenter. Walwaj, al-sadis wal-ishroun, 26e point, salah al-quwwatain al-ilmiya wal-amaliya. Donc l'arrangement des deux forces, hein, c'est-à-dire le fait de réussir, le fait de bien faire justement ces deux forces qui sont celles donc de la science et de l'acte. Celles de la science et celles de l'acte, bien sûr qu'ils sont associés. On sait que la science, donc la connaissance et l'acte sont importantes. Elles sont associées, elles ne peuvent pas être dissociées. Wa qawluhu ta'ala, donc soit l'asr, soit fi, soit l'asr, donc wa l'asr, inna l'insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. قال الشافعي رضي الله عنه لو فكر الناس كلهم في هذه السوره لكفتهم. Donc il dit l'imam Shafi'i par rapport à cette sourate, sourate l'Asr, que vous connaissez tous. Donc si les gens réfléchissaient seulement sur cette sourate, elle leur aurait été suffisante. وبيان ذلك ان المراتب اربع واستكمالها يحصل للشخص غايه كماله. Donc ces quatre là on va retrouver dans cette sourate qui va être quoi ? Qui va justement donc diviser en quatre. Donc on retrouve quatre points. On va voir cette sourate qui va diviser en quatre. Donc les quatre points, quatre maratibs, quatre étapes. Et le fait d'augmenter donc ces étapes, c'est-à-dire le fait que la personne va plutôt compléter et va appliquer les quatre étapes comme il le faut, on verra que la personne elle sera, inshallah, donc complète. Elle sera complémentaire, elle sera complète la personne. Ihdaha, ma'rifatul haq. Premièrement, c'est le fait de connaître. donc la vérité, c'est le fait de connaître la vérité. Thania amaluhu bi, donc le fait de mettre en application cette vérité. Thalitha ta'limuhu man la yuhsinuhu, man la yuhsinuhu, donc apprendre, enseigner à celui qui ne la connaît pas, ou bien celui qui ne la connaît pas comme il le faudrait. Parce que beaucoup de sujets, des fois on connaît, que beaucoup de gens connaissent. On va parler avec n'importe quel tel sujet, il va dire j'ai entendu. Mais ça reste succinct, ça reste basique. C'est quoi? C'est sathi. Il survole le sujet. Mais il ne le connaît pas en détail. On peut parler de tous les sujets, que ce soit tahara, que ce soit dans salat, que ce soit dans... On va dire que tout le monde pratiquement a une connaissance générale du sujet. Mais il n'y a pas... Des fois, pas tout le monde a justement la connaissance qui est plus approfondie et qui est bien sûr plus demandée, plus approfondie par rapport à ce sujet. Donc à ce moment-là, on va enseigner à ceux qui ne le tiennent pas, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas le sujet comme il le faudrait. Rabi'a, quatrièmement, sabruhu ala ta'allumihi wa la amal bihi wa ta'limihi. Donc patienter, hein, dans le fait d'enseigner, dans le fait d'apprendre, dans le fait de mettre en application et dans le fait de quoi? De l'enseigner. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve par rapport à ces paroles-là, donc justement, on retrouve dans Thalathatul Usul, hein, donc on va retrouver dans les trois bases de Mohammed ibn Abdel Wahhab, justement, donc ces quatre points. Ça, lorsqu'on parle au début, on va retrouver ces quatre points. Sachez que ce n'est pas Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullah alayhi, qui l'a bien sûr dit le premier. Donc Ibn al-Qayyim l'a dit avant lui. Et Mohammed ibn Abdel Wahhab l'a pris de Ibn al-Qayyim, rahmatullah. Donc ces quatre points ont été pris de Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahmatullah alayhi. فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين عرفوا الحق وصدقوا به. Et Allah سبحانه وتعالى donc a mentionné les quatre étapes dans cette sourate et a juré وأقسم سبحانه وتعالى Allah lorsqu'il parle ça suffit pour montrer que c'est important. Alors c'est le jure, vous voyez que là, donc c'est importance au-dessus d'une importance. C'est que dans cette sourate, hein, donc celle du Asr, donc la sourate qui est celle du temps, c'est que chaque personne est quoi? Est dans l'égarement. Chaque personne est dans l'égarement, sauf ceux qui ont cru et qui ont bien sûr donc mis en application, qui ont bien sûr commis les bonnes œuvres. Et c'est ceux qui ont connu bien sûr la vérité, hein, parce qu'ils connaissent la vérité. Comment on peut nous s'enjoindre mutuellement la vérité? Si ce n'est pas parce que justement on a appris. Et on a connu d'où provient cette vérité. Et après, on s'est aussi enjoint à quoi? À endurer de, par rapport à cette vérité, le fait de s'accrocher à cette vérité, parce qu'on sait que si on va s'accrocher à la vérité, il va nous arriver ce qui doit nous arriver. Donc automatiquement, voilà le chemin du croyant. C'est qu'il va lui arriver, justement, des épreuves. Et sachez que les salafs, s'ils ne leur arrivaient pas d'épreuves, ils se posaient des questions sur eux-mêmes. Et s'ils n'avaient que des ni'am, si c'était que khair sur khair, pas de maladie, que de l'argent qui tombe, que ceci, que cela, ils se posaient des questions sur eux-mêmes. Ils disaient que c'était un ibtila, que c'était justement un... Pour eux, ils voyaient plus le côté malheur, le fait de tout avoir, sans avoir d'épreuves. Et ils voyaient le côté bonheur, le fait qu'Allah les aime, quand ils voyaient qu'il leur arrivait des épreuves. Donc la personne ne croit pas que ça peut être... Donc ça, justement, il faut bien comprendre cela, et pas tomber dans le piège de croire qu'Allah les aime, lorsqu'il donne, il donne, il donne, il donne, tout va bien, et des fois, et justement, il t'arrive aucune épreuve. Donc justement, il faut... À ce moment-là, savoir que c'est un gros ibtila. Parce que c'est la façon la plus facile, justement, d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a vu dans ces quatre points, hein, donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, donc, comment il a enjoint les gens. Et après, donc, on a vu donc, une martaba, une étape. Après, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمَا الَّذِينَ عَمِلُوا بِهَا وَعَلِمُهُ مِنَ الْحَقِ. Donc, c'est ceux qui ont mis en application, hein, donc cette vérité, et bien sûr l'ont enseigné comme il le faut. Fahadi martabatun okhra. Ça c'est un deuxième niveau, une deuxième étape. Wa tawasaw bil haqq. Wassa bihi ba'dhum ba'dan. Ta'liman wal irshadan. Fahadi martabatun thalitha. Donc ils se sont enjoints, ou ordonnés, ou exhortés, hein, les uns envers les autres, cette vérité, dans le fait d'apprendre, dans le fait d'enseigner, dans le fait de montrer la vérité, de guider. Et ça, bien sûr, ça c'est le troisième point. Donc, le fait qu'ils se sont enjoints aussi, donc l'endurance. Ils sont restés donc endurants dans la vérité. Ils sont restés endurants dans la vérité. Et il suffit de voir, par exemple, le meilleur exemple, bien sûr, c'est avec les compagnons du prophète, donc le prophète et ses compagnons dans leur islam. Comment au début, Hein, donc on voit qu'il y a eu 13 ans à la Mecque. Ça n'a pas été 13 ans de facilité. Donc ils étaient 13 ans en état de faiblesse à la Mecque. Donc ces 13 ans, ce n'est pas facile. Surtout lorsqu'on se retrouve avec toutes les tribus d'Arabes contre soi, et en particulier les tribus les plus nobles, les plus importantes, hein, qui sont justement le Quraysh, où tout le monde revient vers elles. Tout le monde revient vers elles. Qui viennent du Yémen, qui viennent de Fichem, qui viennent de là-bas. Donc tous ceux qui viennent, c'est-à-dire, hein, ils avaient un profond respect avec quoi? Par la tribu justement de Quraysh. Et c'était eux qui attaquaient. Donc ça veut dire que, automatiquement, si Quraysh attaquait les musulmans, il y avait tous les Arabes derrière eux, qui étaient du côté de Quraysh, parce que c'était les Sadat al-Qom, c'est les gens les plus importants. Et ils étaient en plus, il y avait le Kaaba là-bas, et c'était eux qui donnaient de l'eau et qui donnaient ceci au Hujjaj, les gens qui venaient de partout, on sait que toutes les statues étaient là-bas. Donc imaginez-vous un peu comment c'était, ça devait pas être facile, donc c'était pas facile, c'était une endurance qui était pénible. Et les gens ont souffert, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé bien sûr de patienter. Et on voit que Allah azza wa jalla certes est avec les croyants, et regarde après ce que les musulmans ont fait, hein, justement par rapport aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont propagé la science de partout, pour ceux qui sont partis en Égypte, pour ceux qui sont partis à Fichem, ceux qui sont restés en Médine, ceux qui sont restés à Mecca. Regardez comment la science s'est propagée par justement, hein, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a vu, donc ça c'est bien sûr, on a vu les quatre points. وَهَذَا نِهَايَةُ الْكَمَلِ. Et il dit Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, هَذَا نِهَايَةُ الْكَمَلِ. Donc il n'y a pas plus complet que ça. Donc c'est vraiment le fin fond, hein, c'est vraiment le summum de quoi, du complet de l'homme. L'homme il ne peut pas être plus complet que ça. Le fait de croire, donc c'est un croyant, il met en application, il conseille, donc il fait dawa, hein, il ordonne le bien, il reprouve le mal, et en plus il demande de patienter, et il patiente. Non seulement il demande de patienter, mais en plus il patiente lui aussi lui-même. Donc il patiente déjà par ses actes, et en plus il demande de patienter. C'est que lui il va commencer par faire des actes, parce que la patience c'est aussi un acte, et il va demander aussi aux gens de patienter. فَإِنَّ الْكَمَالَ أَنْ يَكُنَ الشَّخْصُ كَامِلًا فِي نَفْسِهِ. Donc, le fait d'être complet, fait que la personne elle sera complète en lui-même. مُكَمِّلًا لِغَيْرِهِ. Et aussi, il va essayer de compléter les autres. Il ne va pas rester seulement complet pour lui-même. Il va faire profiter, hein, de ce qu'il a de complet aux autres. Il ne va pas garder ça pour lui-même. Donc, il n'y a pas d'avarice dans ça. Il n'y a pas d'avarice dans ça. وَكَمَالُهُ بِإِصْلَحِ قُوَّتِهِ. قُوَّتِهِ الْعِلْمِيَ وَالْعَمَلِيَ. Donc, le fait, donc le fait qu'il soit complet, c'est justement le fait d'arranger et de donc bien mettre en œuvre ces deux forces qui sont scientifiques et donc les actes. Donc on va retrouver ici donc la science et l'acte. فَسِلَحْ الْقُوَّةِ الْعِلْمِيَ بِالْإِيمَانِ. Donc il va arranger justement cette force, c'est-à-dire scientifique, par quoi? Par la foi. Par la foi. وَسِلَحْ الْقُوَّةِ الْعَمَلِيَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ. Et il va aussi arranger donc cette force qui va être actionnée, donc les œuvres pieuses, par quoi? Par justement les œuvres qui vont être pies. Et on a vu hier, donc on revient encore une fois aux deux bases qui sont importantes, wa alaykoum salam, aux deux bases qui sont importantes, c'est justement l'Iman, c'est quoi? Donc on avait vu, hier on voyait que c'est le Coran ou l'Iman, c'est-à-dire l'ilm, hein, et la foi, la science et la foi. Hier on l'a vu. Wa takmilihi ghayrahu. Et aussi le fait de faire compléter les autres. Il fait profiter ceux qui sont autour d'eux. Donc il y a une histoire où c'est Cheikh Abdel Mohsin Abbad qui raconte que lorsque il était donc vice-directeur de l'université de Médine, Hafdallah Azza wa Jal, donc il était, donc le directeur c'était à l'époque Cheikh Mnebez, rahmatullah alayhi. Et ils étaient partis ensemble à Médine de la Bawi. Donc c'était avant le Dhuhr. Et Cheikh Mnebez, rahmatullah alayhi, avait pris donc deux rakas, puis deux rakas. Et Cheikh l'Abbad avait prié deux rakas. Et Cheikh Mnebez lui a demandé combien tu as prié. Donc Cheikh Abdel Mohsin répond, il lui dit j'ai prié deux rakas. Et il lui dit kammil. Oh, donc rajoute encore deux rakas. Il lui dit la personne doit toujours faire ce qui est plus complète. Donc voilà un exemple de quelqu'un qui va rendre complet quelqu'un d'autre. Donc voilà un exemple de Cheikh Mnebez qui fait ça à Cheikh Abdel Mohsin Abbad, Hafdallah wa rahmatullah alayhi. Wa ta'limihi iyyahu. Et il lui enseigne. Donc la personne enseigne à la personne. Wa sabrihi alayhi. Et aussi, bien sûr, il est patient par rapport à cela. Et aussi, donc, il enseigne, Il conseille aux gens de quoi? De patienter dans la science et dans l'acte. فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع السور القرآن للخير بحذافره والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا على كل ما سواه شافيا من كل داء هاديا إلى كل خير. Donc cette sourate, bien sûr, alors qu'elle est courte, elle rassemble justement, donc elle est parmi les sourates qui rassemblent le plus de bien, qui vont rassembler le plus de bien. Et il dit, bien sûr, notre cher Alhamdulillah, donc louange à Allah, celui qui a placé dans ce livre, qui est donc suffisant pour toute chose, qui suffit à tout ce qui est autour à la place du Coran, et il est donc suffisant, et en plus guérissant de toute maladie, donc il est guérisseur de toute maladie, et guideur vers tout bien. Et bien sûr, guideur vers tout bien. الواج السابع والعشرون 27e point العلم بعد الجهل منة. La science après l'ignorance, donc c'est un don, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. أنه سبحانه ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسوله وأوليائه وعباده بما أتاهم من العلم فذكر نعمته على خاتم الأنبيائه ورسوله بقوله dans sourate An-Nisa verset 113. Donc il dit dans sourate An-Nisa verset 113 وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Donc il dit سبحانه وتعالى وقد قدمت هذه الآية. On a vu ce verset ça auparavant. Donc il dit سبحانه وتعالى dans sourate An-Nisa verset 113 et n'eussent été par la grâce d'Allah sur toi Mohammed sa miséricorde une partie d'entre eux t'aurais bien volontiers égaré, mais ils s'égarèrent en eux-mêmes. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est Naam. Donc Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et la grâce d'Allah sur toi est immense. Donc regarde, Allah me montre à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a enseigné donc le livre et la hikma donc c'est la sunna, le fait que c'est joué ensemble. Donc à ce moment-là, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on l'avait vu aussi auparavant qu'il utilisait aussi lorsqu'il parlait donc de la science, hein, donc l'amel ou l'imen. Donc on avait vu qu'il y avait le ilm al-nafi' ou l'amel al-salih, on a vu ça aussi hier. Et après il lui disait, de ceux que tu ne connaissais pas, imaginez-vous, comme on l'a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce qui était illettré, devient le plus grand savant, hein, devient le savant des savants. Si on prenait tous les savants, le premier, donc le plus grand des savants, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après il dit bien que la grâce d'Allah envers toi, elle est immense. La grâce d'Allah envers toi, elle est immense. Et lorsqu'il y a une grâce, on est obligé de la remercier. On est obligé de remercier Allah pour la grâce. On remercie Allah pour la grâce qui nous a octroyé d'avoir un peu de science, c'est justement de l'adorer. Wa qala fi Yusuf, il dit aussi fi Yusufa, hein, subhanahu wa ta'ala. Donc il dit dans surat Yusuf, verset 22, wa lama balagha shuddahu ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi al-muhsinin. Donc lorsque donc il est arrivé à l'âge mûr, et donc les ulama disent que l'âge mûr c'est 40 ans, hein, comme pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a eu la révélation, la même chose lorsque le prophète Moussa alayhi wa sallam est revenu après rester à Madain, hein, lorsqu'il était sorti, lorsqu'il s'est sauvé de Pharaon et qu'il est revenu, et qu'il s'est marié, donc il est parti après il s'est marié, puis il est revenu, donc il avait 40 ans lorsqu'il est revenu. Donc lorsqu'il a été mûr, donc les ulama disent que c'est 40 ans, on lui a donné donc la sagesse et la science, et bien sûr c'est comme ça qu'on récompense bien sûr les bienfaiseurs. C'est comme ça qu'on récompense les bienfaiseurs. Et quand il atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir, et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaiseurs, les bienfaisants. Surat Yusuf, verset 22. Wa qala fi kalimihi Moussa, et dit aussi Moussa, alayhi salatu wassalam, donc dans Surat Al-Qasas, verset 14. Surat Al-Qasas, verset 14. وَلَمَا بَلَغَ شُدَّهُ وَاسْتَوَى أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Donc c'est la même chose pour dans Surat Al-Qasas, hein, verset 14 pour Moussa. Donc c'est donc la même chose, c'est le même verset à peu près. Hein, donc istawa, on sait que quelque chose qui est mustawi, c'est quelque chose qui devient équilibré, hein, quelque chose qui a été donc même dans la nourriture lorsqu'elle est mustawiya, c'est-à-dire qu'elle est cuite à point, elle est cuite à point. Donc c'est la même chose. Donc c'est quelqu'un qui, hein, il arrive à l'âge mûr, donc il est à l'âge, c'est le meilleur âge, comme ils disent que c'est la quarantaine. Et la même chose pour Moussa. Voilà ma kana alladhi atahu Moussa min dhalika amran 'azima khassahu bi 'ala ghayrihi wa la yathbut له إلا يعني الأقوياء أولو العزم فأياه له بعد أن بلغ شده واستوى يعني تم وكملت قوته. Donc là on voit par rapport à Moussa, lorsque donc il dit Shir Rahmanullah, que par rapport à lorsqu'Allah a donné justement à Moussa, donc cette chose qui est énorme, donc il a bien sûr choisi lui par rapport à d'autres personnes, c'est justement, donc on retrouve par rapport à cela bien sûr que les bien sûr Ulul Azmi, donc ceux qui ont patienté beaucoup, Ulul Azmi, hein, les gens forts, ou bien Ulul Azmi Minar Rasul. Il a donné à Moussa ce qu'il n'a pas donné à d'autres par rapport à cela. Par rapport à ce qui lui arrivait avec Pharaon. Donc Moussa, on sait qu'il y a eu des épreuves qui étaient difficiles. Et ça, c'est pour ça qu'il fait partie des cinq prophètes les plus importants, ou l'Azmi min al-Rusul, qui ont enduré et patienté. Qui font partie des cinq prophètes qui ont fortement enduré et patienté par rapport aux épreuves de leur peuple. Donc il lui a donné cette force, après quoi avoir reçu, donc justement, eu l'âge le fait de maturité, si on peut appeler ça comme ça, dans le sens où c'est qu'en réalité sa force, elle a été la plus complète. C'est l'âge où la personne est plus mûre, elle a été aussi la plus forte à ce moment-là. Wa qala fi haqq al-Masih, il dit aussi pour le Messie, donc pour le Messie, Isa alayhi salatu wassalam, Ya Isa ibn Maryam, uskun ni'mati alayka wa ala walidatika, iz ayyadtuka bi ruhi al-Qudus. تكلم الناس في المهدي وكهلا إذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. سورة المائدة verset 110. سورة المائدة verset 110. Donc pour Moussa en français c'était donc et quand il a atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnâmes sa faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Et ici donc la même chose pour Isa alayhi salam. Donc sourate al-Maïda verset 110. وقال في حقه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. آل عمران donc aussi verset 48 ainsi que آل عمران verset 48 فجعل تعليمه مما بشر به أمه وأخرى يعني عيناه به. Donc il a aussi bien sûr donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré justement le fait qu'il lui a appris ça et aussi le fait qu'il a bien sûr donc qu'il a donné la gracie, qu'il a gracié qui? Sa mère. Et qu'il lui a donné justement, c'est-à-dire qu'il a gracié sa mère en faisant bien sûr naître donc Moussa al-Islam et que bien sûr sa mère donc était automatiquement contente de lui. Le fait que c'était un enfant qui était Barran biwalideha, qui était quoi? Donc Moussa, c'était Isa al-Islam, c'était quelqu'un qui était obéissant, qui obéissait à sa mère, qui obéissait fortement à sa mère. Et ça, c'est une des grandes vertus. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il le met. Il dit bien aussi donc, qu'il ne faisait pas partie des Jabbarin, ni des Ashqiyah, ni de ceux qui étaient donc transgresseurs, et ni de ceux qui étaient malheureux. Parce que celui qui désobéit à sa mère, c'est un transgresseur et c'est aussi un malheureux. Il aura le malheur fait de dunya. Celui qui désobéit à ses parents, c'est, il va profiter rapidement du malheur fait de dunya. Il va être maudit. Il aura le malheur facilement fait de dunya. Et justement, regardez. Parce que les prophètes, ils obéissent à leurs parents. Et c'était pas quoi Jabal Shahri par rapport bien sûr à ceux qui n'est tant que les parents ne t'ordonnent pas bien sûr ce qui est contraire à ce que Allah Azza wa Jalla a ordonné. Donc il dit et par ma permission tu faisais revivre les morts. Donc non, donc il y a le verset qui est auparavant. Donc c'est non. Et quand Allah dira ô Jésus fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te fortifie du Saint-Esprit du berceau tu perds aux gens. Tout comme en ton âge mûr, je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah, l'évangile. Tu fabriquais de l'argile, donc ça s'arrête là, non. Ça s'arrête à l'évangile, non. Par rapport à ce qu'on a vu en arabe. Donc il a enseigné justement, regardez, tous ces livres-là. Donc le Kitab al-Hikma et la Torah, donc l'évangile. Wa qala fi haqq Daoud. La même chose pour Daoud, alayhi salatu wassalam. Wa atainahu al-Hikmata wa fadl al-Khitab. Soit au Sad verset 20. Soit au Sad verset 20. Soit au Sad verset 20. Donc, Subhanahu wa Ta'ala a dit en ce qui concerne Daoud, donc on lui a donné la sagesse et face à l'Khitab. Enfin, j'ai dit face à l'Khitab. Donc, le fait de savoir parler, le fait de savoir juger, donc le fait de savoir trancher. Donc, Allah Subhanahu wa Ta'ala a donné à Daoud, donc la sagesse, et en même temps l'ilm, le fait de pouvoir juger. Donc c'était un grand juge, Daoud, alayhi salatu wassalam. Donc c'est le fait de pouvoir juger entre les gens. Donc elle dit, et nous renforçâmes son royaume et nous lui donnâmes les sagesses et la faculté de bien juger. La faculté de bien juger. وقال في حق الخضر الخضر صاحب موسى donc il dit فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما سوره الكهف verset 65 سوره الكهف verset 65 فذكر من نعمه عليه تعليمه وما اتاه من رحمته او من رحمه donc pour le khadr pour le khadr qui était un envoyé donc qui était un prophète même à l'époque de Moussa. Sachez qu'il y a eu des époques où il pouvait avoir plusieurs prophètes, mais donc il était bien sûr spécifique à l'endroit où ils étaient. Donc c'était un prophète. Et c'est pas bien sûr un saint, comme viennent le dire les soufis, et ils veulent dire que les saints sont meilleurs que les prophètes. La preuve, c'est que le Khadr a appris au prophète Moussa. Donc ça, c'est pas vrai. Et donc c'était un prophète qui était à son, de quoi, dans son endroit, à son endroit. Il n'y a, aucun, a aucune contradiction qu'il pouvait avoir justement plusieurs prophètes même à la même époque. Donc, et ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Donc là on voit qu'ils ont trouvé donc justement donc l'un de ses serviteurs, le Khadr, à qui il a donné quoi, une grâce, une bienfait d'Allah Azzawajal, qui est cette science. Donc il y a qui enseigne justement une science qui, bien sûr, qui provient de la part d'Allah. Donc on voit que c'est une grâce d'Allah Azzawajal, et c'est toujours pour montrer, bien sûr, donc la bienséance et la grande valeur de la science. Wa qala ta'ala yathkuru ni'matahu ala Daoud wa Sulayman. La même chose lorsque, dans Surat al-Anbiya, verset 78, dans Surat al-Anbiya, verset 78, lorsque Allah Azzawajal annonce donc ses bienfaits sur Daoud et Sulayman, wa Daoud wa Sulayman idhahkumana fil. إذ يحكمان في الحث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا واتيناها حكما وعلما. Donc il dit, je répète, wa Daoud wa Sulayman izahkuman fi al-hathi iznakashat fihi ghanam al-qawmi wa kunna li hukmihima shahidin fa fahamnaha Sulayman wa kullan atayna hukman wa ilma. Surat al-Anbiya verset 78. Fa dhakara an-nabiyyan al-kariman wa athna alayhima bil hukmi wal ilm wa khassa bi fahmi al-qism al-qadiya ahaduma aw ahaduhuma. Na'am. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a justement parlé de Moussa, a parlé de Moussa et de Sulayman, de Afwan et de Daoud, a parlé de Daoud et de Sulayman, lorsqu'il dit Daoud et Sulayman, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé où des moutons appartenant à une peuplade étaient allés paître la nuit et nous étions témoins de leur jugement, donc nous avons fait comprendre donc à Sulayman et à tout le monde, bien sûr, on a donné la sagesse et la science. Et à tout le monde, on a octroyé de la sagesse et de la science. Fadakala, donc il a, Allah subhanahu wa ta'ala a énoncé, a annoncé, donc a cité donc, ces deux prophètes. Et bien sûr, a loué les deux prophètes comme quoi ils ont reçu donc, la sagesse et la science. Et bien sûr, il a montré que là, bien sûr, l'un d'entre eux, donc il n'y a eu que l'un des deux qui a eu raison, bien sûr, dans cette sagesse. Dans ce jugement, tout en étant que bien sûr les deux ont de la science et ont quoi cette sagesse. Donc on retrouve encore une fois donc quelques versets par rapport à cela, on retrouve quelques versets toujours qui continuent à parler justement du même sujet, donc du même point. Al-wajhu thaminu wal-ishrun, 28e point. Awal suratin ou awal suwar al-Qur'an nuzulan tadullu ala fadl al-ilm. La première sourate du Coran qui est descendue montre la vertu du Coran, la vertu de la science, montre la vertu ou la valeur de la science, montre la valeur de la science. أن أول سورة أنزلها الله في كتابه سوره القلم فذكر فيها ما من به على الانسان من تعليمه ما لم يعلم فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الانسان بما علمه اياه وذلك يدل على شرف التعليم والعلم فقال تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سوره العلق verset 1 à 5 فافتتح سوره الامر بالقراءه الناشيه عن العلم وذكر يعني خلفه خصوصا وعموما فقال الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم وخص الانسان من بين المخلوقات لما اودعه من عجائبه واياته الداله على ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكمال رحمته وانه لا اله غيره ولا رب سواه. Donc la première sourate qui a été descendue, donc la première sourate qui a été descendue dans son livre, c'est Sourate Al-Qalam, donc la plume. Et Allah Azza wa Jal montre, c'est-à-dire dans cette sourate, ce dont il a gracié la personne dans le fait de l'enseigner ce qu'il ne connaissait pas. Et donc il a montré ses bienfaits, donc les bienfaits d'Allah Azza wa Jal parce qu'il a enseigné la personne. Et aussi, comme quoi il a préféré bien sûr les personnes, une scène, donc il a préféré de Dieu. Donc la personne, parce qu'il a enseigné. Et cela est une preuve, encore une fois, de la haute valeur de la science, de l'enseignement et aussi de la science. Et c'est pour ça qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, le qalam, a enseigné l'homme de ce qu'il ne savait pas. Donc il a commencé par, lorsque on voit cette sourate, donc il commence, Allah subhanahu wa ta'ala, par le fait, il ordonne. Donc il y a un amr, il ordonne. À quoi à l'insan de lire. Donc il ordonne. De lire. C'est-à-dire, donc de commencer par le lire. Justement, le livre. La lecture, c'est quoi? C'est justement le début de la science. Donc c'est justement la lecture d'où vient. D'où provient la lecture? Elle provient de la science. La lecture provient de la science. Et après, il parle, bien sûr, donc, de ce qui, c'est-à-dire après Allah subhanahu wa ta'ala, juste après cela, lorsqu'il parle de la science, juste après, il cite et mentionne, donc de façon générale et de façon spécifique, la création. Lorsqu'il dit qui a créé l'homme, donc celui qui a créé. Ça, c'est général. Et après, il montre bien qui a créé l'homme d'une adhérence. Donc là, ça devient spécifique. Et après, il dit bien aussi, donc, lis, car ton Seigneur est le plus généreux. Lis, car ton Seigneur est donc le très noble. Donc pourquoi? Parce que il a montré, donc il est le très noble. Allah, il est le noble, Man raraka bi rabbika al-karim, comme on a vu hier. Donc là, il a dit le karim, le noble. Alors que c'est quoi? Allah dit khalaqak, celui qui t'a créé. Donc lorsqu'Allah parle de la création, il dit le noble. Et lorsqu'Allah parle ou cite la science, il dit le très noble. Et le très noble, ce superlatif, il est plus appuyé, il est plus puissant que le noble. D'où la preuve que la science est plus importante que quoi? Que la création. Allah, il t'a créé, mais en plus, il t'a enseigné. Allah, il a créé d'autres choses, donc les montagnes, les arbres, mais ils n'ont pas la science, mais l'homme a la science. Donc, il y a une supériorité, il y a une suprématie. Et aussi, après cela, il montre. Donc, bien sûr, parce qu'après cela, les gens vont connaître. Qu'est-ce qu'ils vont connaître? C'est quoi la science? C'est le fait qu'ils vont connaître Allah, ils vont connaître ses signes, tout ce qui est étonnant dans ses signes, et qui prouve la seigneurie, la puissance, la science, la sagesse, et aussi, bien sûr, sa complète miséricorde, subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'y a pas de divinité à part lui, et ni Dieu, bien sûr, ni Seigneur à part Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa dhakara huna mabda'a khalqihi min 'alaqi litakuna al-'alaqata mabda'a al-atwar allati intaqalat ilayha nutfa fa hiya mabda'u ta'alluqi at-takhliq thumma a'ada al-amra bil-qira'ati mukhbiran 'an nafsihi bi annahu al-akram. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé, donc lorsqu'il a parlé de sa création, regardez, lorsqu'il a parlé de la création, il dit qu'il a créé l'homme. Et il a montré le départ. Voilà ce que tu étais au départ. Donc ça fait réfléchir. C'est-à-dire que tu étais donc justement cette adhérence. Et après, comment est venue, bien sûr, donc comment la relation, c'est-à-dire comment la création, bien, comment l'homme a été façonné. Et après, il revient, après cela, avec quoi? Avec la lecture. Avec justement la lecture, hein. Comme quoi il est quoi? Il est donc le plus généreux. Il est le plus noble par rapport à la lecture. Wahwal af'al min al karam. Donc, wa af'al min al karam. Donc, c'est quoi? C'est superlatif par rapport à karam. Donc, c'est le très noble, ou bien le plus noble. Plus que le noble. Wahwa kithratul khair. Ça veut dire que donc, ce mot-là veut dire beaucoup de bien. Beaucoup de bien, c'est abondant. Wala ahada awla bidhalika minhu subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, personne ne peut être en premier ou bien ne peut être doté de cette qualité avant Allah. Il n'y a personne qui peut être plus généreux qu'Allah. Personne qui peut être plus noble qu'Allah. Fa inna al-khayra kullahu biyadihi. Car tout bien est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khayru kulluhu minhu. Et le tout bien vient en plus, provient de lui. Il est entre ses mains et en plus il provient de lui. Wan ni'amu kulluha huwa mawlah. Et toutes les grâces, c'est qui? Donc le Dieu, hein, c'est qui justement? Celui qui les détient, c'est justement Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kamalu kulluhu wal majdu kulluhu fa huwa al akram haqqan. Et bien sûr aussi donc tout ce qui la le fait d'être complet, tout. Et aussi le Mejd. La glorification. Hein? Donc la glorification sûrement. Donc tout revient bien sûr à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui le plus généreux. Et c'est lui donc le plus noble. En toute vérité. Et après Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il cite encore ce verset, donc il montre qu'il a enseigné de façon générale et aussi de façon spécifique. Donc il dit celui qui a appris avec la plume. Celui qui a appris avec la plume. Donc on voit que le fait d'écrire, le fait de. Et ça, c'est encore une preuve comme quoi celui qui veut réussir à garder des durous, celui qui veut profiter des durous, le mieux c'est qu'il prenne des notes afin de. Parce que ça va l'aider à quoi? À mieux retenir. Fahada yadkhulu fihi ta'lim al-mala'ika wan-nas. Et bien sûr, donc cet apprentissage entre dedans même les anges. Les anges et donc toute la créature, que ce soit les hommes et bien sûr même les djinns. Thumma dhakara ta'lima al-insan khususan. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il parle en général du ta'lim, donc de l'apprentissage en général, et après, il la spécifie. Il la spécifie pour qui ? 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne connaissait pas. فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطي الموجودات كلها بجميع أقسامها فإن الوجود له مراتب الأربعة. Et après là on voit par rapport à ces paroles, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a donné à tout, tout ce qui est présent, tout ce qui existe. Et il dit qu'on va retrouver donc cette existence avec quoi? Avec par 4 degrés, par rapport toujours au verset qu'on vient de voir, par rapport à cette sourate. Donc on va retrouver encore une fois 4 étapes différentes. إحداها مراتبها الخارجية المدلول عليها بقوله خلق. Donc ce degré il va être quelque chose qui va être extérieur. Et la preuve c'est خلق, enseigner. المرتبة الثانية, la deuxième étape c'est الذهنية المدلول عليها بقوله علم الإنسان ما لم يعلم. Donc الذهنية c'est bien sûr ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire le fait de la réflexion, tout ça, c'est ce qui est c'est-à-dire sur dans ton cerveau, ce que tu as appris, ce qui est dans tes poitrines. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne connaissait pas. El martaba thalitha, troisièmement, wa rabi'a, troisième et quatrièmement, c'est lafdiya, wa khattiya. Donc, ce qui va être prononcé et ce qui va être écrit. Ce qui va être prononcé et ce qui va être écrit. Donc, on voit qu'il y a la création. Donc, après, il y a ce qui sera dans les poitrines, ce qui va être donc à l'intérieur, ce qui va être inné, ce qui va être prononcé ce qui va être écrit. فَمُصَرَّحٌ بِهَا فِي قَوْلِهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. Et là on retrouve dans la troisième et la quatrième point, c'est justement celui qui enseigne avec la plume. وَاللَّفْدِيَا مِنْ لَوَازِمِ التَّعْلِيمِ بِالْقَلَمِ. Et l'afdiya, pourquoi il y a l'afdiya? Pourquoi on n'entend pas de dans l'afdiya? Il y a le qalam. Parce que si toi t'écris quelque chose, c'est qu'on te l'a enseigné, on te l'a enseigné comment? De façon générale, c'est parce qu'on te l'a dit avec la bouche. Il y a quelqu'un qui t'enseigne et toi tu notes. Donc c'est venu par comment? Quand Jibril, Al-Islam est venu enseigner au prophète, donc il venait lui parler. Je veux dire, parmi les façons que le wahi qui est venu, par exemple, c'est qu'il y a eu donc le Jibril, il est venu lui dire. Donc il y a l'afdiya. Donc c'est min lawazim. Donc on ne va pas apprendre que si on a entendu. Fa inna al-kitabata far'un, yani far'un nutqi. Donc c'est justement, le kitaba, c'est quoi? Ça, en fin de compte, c'est un soubassement, c'est ce qui vient après le fait de dire. Donc quand le shir maintenant enseigne, les élèves notaient. Donc ça, c'est ce qui vient après. Ils prennent, c'est-à-dire ils gardent ou ils protègent les paroles du shir par l'écrit. Ou un autre coup, far'un, at-tasawwur. Et après, nutq, donc le fait aussi, le fait de dire, donc le kitaba, c'est justement, le kitaba, c'est quoi? Donc l'écriture, c'est, regardez, l'écriture, c'est ce qui vient après la parole, et la parole, c'est ce qui vient après la compréhension de la chose. Tasawwur al-mas'ala, tasawwur. Donc on a compris la chose, alors on peut l'enseigner. On enseigne, alors les gens écrivent. Donc vous voyez qu'il y a toujours un départ, il y a le ferm. Et le ferm, c'est justement, par rapport à ce qu'on a vu auparavant, le dernier. C'est par rapport à al-martaba qui est thaniya, qui est dernier. Il y a la création, il y a la compréhension de la chose, il y a l'enseignement, et il y a aussi, on l'a vu comme la maratib, il y a justement l'enseignement, donc, qui va être avec la parole et qui va être aussi l'écriture. C'est-à-dire celui qui reçoit l'enseignement, l'élève va écrire. Fashta malat hadhihi al-kalimat wa ala maratib al-wujud kulliha. Wa annahu subhanahu huwa mu'tiha bi khalqihi wa ta'limihi fa huwa al-khaliqu al-mu'allimu wa kullu shay'in fi al-kharij fa bi khalqihi ujida wa kullu 'ilmin fi al-dhihn fa bi ta'limihi hasar wa kullu lafdhin fi al-lisan aw khattin fi al-banan. Donc ces paroles comprennent, donc elles vont comporter justement, c'est-à-dire ces paroles par rapport à ce qu'on a vu, et aussi par rapport à ces étapes, ont à voir, donc c'est quoi? C'est le résultat en vérité de tout ce qui est présent, l'oujoud, de tout ce qui existe. Et subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a donné justement cette existence par la création et l'enseignement. Donc il y a quoi? Il y a la création avec l'enseignement. Et c'est celui qui a non seulement créé et en plus enseigné. C'est celui qui a créé et en plus enseigné. Parce que la religion, elle revient à Allah. Et toute chose revient à Allah. Et toute chose, donc, qui est bien sûr en dehors, donc c'est par la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute science qui est donc à l'intérieur, qui est dans nous-mêmes, donc comment? C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a enseigné. Et toute parole donc, qui va être dite par la bouche, toute parole qui va être prononcée, et toute écriture, toute chose qui va être écrite donc, par les mains, donc tout cela aussi, bien sûr, revient en vérité, bien sûr, à la création, et à quoi? Et à l'enseignement. Donc c'est encore une fois, ça, c'est justement parmi les signes de la puissance et la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa barahin hikmatihi, et aussi l'épreuve de sa sagesse. La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Donc il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le miséricordieux, le tout miséricordieux. Wal maqsoud annahu subhanahu ta'arrafa ila 'ibadihi bima 'allamahu iyyahu bi hikmatihi min al-khatt wal-lafdh wal-ma'na. Fa kana al-'ilmu ahad al-adillati ad-dallati 'alayhi bal min a'zamiha wa adhhariha wa kafa bihadha sharafan wa fadlan lahu. Donc le vouloir dire de cette histoire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait connaître envers ses serviteurs par ceux qui lui ont enseigné, c'est-à-dire par son enseignement envers ses serviteurs. De par sa sagesse, bien sûr, par rapport à l'écriture et aussi, comme on a vu, l'écriture, la parole et le sens, c'est-à-dire ce que les gens vont comprendre, la compréhension. Donc, par rapport à cela, on voit que la science est une des preuves les plus importantes comme quoi Allah Azzawajal existe. Est une preuve de l'existence d'Allah, voire même c'est celle qui est la plus illustre et la plus apparente, c'est la plus claire. C'est la plus belle. C'est pas juste. Donc on sait qu'il y a des preuves, par les montagnes, par les mers, par tout cela, par ce qui est vu, par ce qui est vu. Ok, elle n'est pas suffisante. Ce qui est en nous, ce qui est ceci. Mais ça, c'est pas elle la plus forte. C'est des preuves. Je dirais Kaunia, Ayat Kaunia. Ce qu'on voit, le fait de voir la mer, le fait de voir les montagnes. On reconnaît qu'il y a un créateur. Là, la science elle est encore plus forte que ça. C'est encore plus belle. Et cela, bien sûr, est encore une fois une preuve suffisante pour montrer justement donc la vertu et l'honorabilité de la science. El waj al ishrun sultan al ilm sultan al ilm annahu subhanahu samma al hujjata al ilmiya sultana fa qala ibn abbas radiyallahu anhuma kullu sultanin fi al qur'ani huwa hujja wa hada li qawlihi ta'ala هل اتخذ الله ولدا سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون سورة يونس verset 68 سورة يونس verset 68 يعني ما عندكم من حجة بما قلتم إن هو إلا قول على الله بلا علم. Donc 29e point, c'est que la science, c'est quoi? C'est un sultan, c'est en fin de compte. Donc, un maître, hein? C'est en fin de compte celui qui va être le roi, et c'est celui qui va en fin de compte posséder. C'est celui qui va justement donc posséder la chose. Et c'est une hujja. Donc le sultan, Allah l'a appelé sultan, c'est-à-dire appeler la science sultan. Et Allah Azzawajal donc a appelé la preuve, hein? C'est-à-dire la preuve scientifique sultan. Et Ibn Abbas dit, chaque sultan, hein, donc chaque roi ou bien chaque chose qui va en fin de compte posséder, qui va commander tout ça, chaque commandeur dans le Coran est une preuve, hein, comme il dit subhanahu wa ta'ala dans surat Yunus verset 68, ils disent Allah s'est donné d'un enfant gloire et pureté à lui, il est le riche par excellence, hein, à lui appartient tout ce qui est aux cieux et sur la terre, vous n'avez pour cela aucune preuve, allez-vous dire contre Allah ce que vous ne savez pas, surat Yunus donc verset 68. Donc Allah, ici on voit que il a appelé donc le riche par excellence. Et ici, donc il a appelé comment? Non. Donc il a appelé ça donc la preuve. Le sultan ici s'appelait aussi la preuve. Donc sultan c'est le délil, c'est la hujja, c'est la preuve. Donc est-ce que donc c'est-à-dire vous n'avez pas de preuve, hein, de ce que vous dites? Vous n'avez pas de preuve de ce que vous dites? Cela bien sûr c'est une parole sur Allah sans preuve. C'est une parole sur Allah sans preuve, c'est-à-dire le fait de dire que Allah Azza wa Jalla s'est donné un enfant. Et on dit, il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, toujours dans surat Najm, verset 23, « إِنْ هِيَ إِلَّا الْأَسْمَاءُونَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ » يعني « مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا حُجَّةً وَلَا بُرْهَانًا بَلْ هِيَ مِنْ تِلْقَيْ أَنْفُسِكُمْ وَأَبَائِكُمْ » Donc surat Najm, verset 23. Donc ils disent, donc ces mots ne sont que des mots que vous appelez vous et vos parents. Et Allah n'a rien descendu comme preuve à ce sujet. C'est-à-dire qu'Allah n'a rien descendu comme preuve à ce sujet. Donc, mais simplement, ces preuves viennent, bien sûr, proviennent de vous-même, et c'est-à-dire de vos parents et de vos ancêtres. Et il dit aussi, donc, subhanahu wa ta'ala, dans Surah Saffat, verset 156, Amlakum sultan mubin. Hein, est-ce que vous avez donc une preuve évidente? Il dit encore une fois, Amlakum sultan mubin. Donc c'est une preuve que la science est sultane, c'est une preuve. يعني حجة واضحة فاتوا بها إن كنتم صادقين في دعواكم. Donc une preuve claire et évidente, et venez avec cette preuve claire et évidente si vous êtes donc bien sûr véridique dans votre da'wa, dans ce que vous annoncez. La différence justement avec Din al-Islam et les autres religions, c'est que justement elle est divisée par rapport à trois choses. Elle est divisée par rapport, donc il y a le ilm al-nasab, elle se différencie par rapport aux autres religions, par rapport à trois choses. Ilm al-nasab, ilm al-isnad ou ilm al-lugha. Donc, le nasab, c'est-à-dire que les gens connaissent leur lignée, ils savent d'où ils viennent, donc le fait que connaître nos histoires comme il le faut, on sait d'où on vient, on protège mieux ce qu'il y a. Ilm al-isnad, donc la chaîne de transmission, on sait d'où... Est-ce que ce hadith est sahih? Est-ce qu'il est daif? Combien de hadiths du prophète sallam qui sont maudour, mais ils sont bien. Je veux dire, quand tu vas lire l'histoire, elle est trop bien. Mais pourtant, elle n'avait pas du prophète sallam. Elle est même, on va dire que s'il y avait, elle serait même en faveur du prophète sallam par rapport à la parole en elle-même. Mais ces maudour, on l'accepte pas. Et pourtant, c'est sympa. Parce que c'est pour montrer justement que l'islam ne va pas tricher, ne va pas mentir. Et après, elle me l'aura. Afin de ne pas changer les choses. Afin que on connaît la langue du prophète sallam. Et comme maintenant, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Et ça protège. Donc le fait que la langue est protégée, le fait que les lignées sont protégées, et le fait aussi, hein, parce que si on se mélangeait comme n'importe comment, s'il n'y avait pas de lignée, justement, donc il y aurait justement cette perdition. Donc on changeait de religion en religion. Donc il y aurait une religion païenne qui rentrerait avec nous, il y aurait ceci, il y aurait cela, facilement. Et aussi l'isnet qui nous protège, bien sûr, par rapport au texte, hein, prophétique, ou bien au texte. Que ce soit le Coran ou bien que ce soit la Sunna. Donc ça c'est déjà quelque chose qui est protégé par rapport à nous. Donc c'est pour ça que, et de là vient justement que bien sûr les gens la véracité. C'est pour ça, si vous êtes véridique par rapport à ce que vous dites. Donc vous allez être véridique, montrez-nous la chaîne par exemple de transmission, montrez-nous que ce que vous dites est véridique, ou dans bien sûr dans le livre d'Allah, ou bien dans les paroles de votre prophète, mais avec la chaîne de transmission comme il le faut. Illa mawdi'an wahidan ikhtulifa fihi huwa qawlihi ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Al-Haqqa, verset 28 et verset 29. Faqila al-muradu bihi al-qudratu wal-mulk. Ay, dhahaba anni mali wa mulki fala mala li wa la sultana. Waqila huwa ala babihi, ay, inqata'at hujjati wa batalat fala hajata li. Sauf bien sûr par rapport, donc lorsqu'on a, on parle du sultan, sauf pour, donc dans surat al-Haqqa, verset 28 et verset 29, en ce moment-là, le mot va changer. Parce que ça n'a rien à voir avec justement la preuve. C'est le seul verset où Sultan ne veut pas dire la preuve. Donc on dit, donc certains savants disent que cela veut dire El Qudra, donc la force et la royauté. La force et la royauté. C'est-à-dire que mon argent est parti et ma royauté est partie. Donc je n'ai pas d'argent ni de royauté, ni de pouvoir, en qui que ce soit, envers les personnes. Voir qu'il a aussi, et on le dit aussi, c'est venu comme cela. C'est-à-dire on le prend comme c'est venu. Hein, c'est-à-dire, j'ai plus de preuves. C'est-à-dire, j'ai plus de preuves par rapport à ce que j'annonce, hein. Et bien sûr, elles ont même été vaines. Et en ce moment-là, donc j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de ces preuves parce qu'elles sont vaines. Hein, donc ma fortune ne me sera servie à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Et là, on retrouve bien sûr deux tafsirs par rapport à cela. Al-Maqsoud, anna Allah subhanahu sama ilm al-hujja sultanan. Donc le vouloir dire de cela, c'est que Allah a donc dit que la science, c'est la preuve, donc, et le sultan, comme on a vu, donc al-hujja a annoncé que la preuve, c'est le sultan. Li annaha tujibu tasalluta sahibiha wa aqdarahu falahu biha sultanun ala al-jahilin. C'est que la personne qui aura la preuve, c'est lui qui va avoir le dessus. Hein, donc qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que lorsque la personne a la preuve, automatiquement elle aura quoi? Elle aura le dessus sur la personne. Elle aura le dessus. Hein, justement par rapport à ceux qui sont ignorants. Il suffit de voir des niqash, donc il suffit de voir un peu des niqash qui se sont déjà passés. On retrouve ça des fois dans certaines cassettes de Cheikh Albani, rahmatullah alayhi. On voit avec donc justement sa grande connaissance de la religion et sa science, hein, lorsque les gens viennent le questionner ou bien vouloir faire entrer avec lui dans une certaine discussion de sujet de religieux, on voit qu'ils ne tiennent pas par rapport à lui, justement par rapport au Barahin, par rapport donc on voit qu'il a pris le sultan. Il a pris justement, donc c'est lui qui sallata alayhim, donc comme quoi il les a vaincus justement par le Burhan ou le Hujja. Donc on a des preuves par rapport aussi à d'autres, et on a des meilleurs exemples comme les compagnons du prophète, hein, comme Ibn Abbas lorsqu'il est parti voir le Khawarij et qu'il a fait revenir 2000 par rapport à cela, justement par rapport avec trois points, par rapport aux trois points dont les Khawarij étaient perdus et de ce fait donc rendaient mécréants Ali ibn Abi Talib. Donc il les a bien sûr, il a réussi à, c'est-à-dire à enlever, donc à enlever les choubouhettes de ces points-là. Il a réussi à montrer que ces gens-là avaient tort et 2000 d'entre eux en sont revenus. Bel sultan al-ilm azamu min sultan al-yed. Donc voyons, on voit aussi que donc la preuve de la science, sultan al-yed, est plus importante que quoi? Que sultan al-yed, que le fait d'avoir le pouvoir, c'est-à-dire physique. وَلِهَذَا يَنْقَادُ النَّاسُ لِحُجَّتِي مَا لَا يَنْقَادُونَ لِلْيَدِ. C'est pour ça que les gens acceptent, se soumettent par rapport à la vérité, hein, par rapport justement à la science, par rapport aux preuves scientifiques, plus que s'ils se soumettaient alors qu'on les forcerait par la main, hein, par la force. فَإِنَّ الْحُجَّتَ تُنْقَادُ لَهَا الْقُلُوبُ, hein, تُنْقَادُ لَهَا الْقُلُوبُ. Car la preuve, c'est quoi? Elle va soumettre quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui va se soumettre à la preuve? C'est les cœurs. Les cœurs, ils vont se soumettre à la preuve. وَأَمَّا الْيَدُ فَإِنَّمَا يُنْقَادُ لَهَا الْبَدَنُ. Tandis que la main, lorsque quelqu'un te force quelque chose, tu vas te soumettre, mais physiquement, hein, pour pas recevoir de coups, pour pas souffrir, pour pas être torturé, par exemple. Mais pas, mais ton cœur va être contraire. Donc c'est comme si c'était une nifaq, c'est comme si c'était l'hypocrisie. Parce que quand le cœur a accepté, c'est ça le principal. Ce qui compte, c'est que le cœur a accepté, pas le corps. C'est-à-dire le départ. Le départ, c'est le cœur. Le corps après va suivre. فَالْحُجَّةُ تَأْسِلُ الْقَلْبَ وَتَقُودُهُ. Donc la hujja, elle va faire quoi? La preuve, elle va justement donc faire que le cœur justement il va être en fin de compte esclave, si on peut dire ça comme ça, hein, il va être esclave de la preuve, il va accepter et en même temps la preuve elle va te guider. La preuve elle va guider ce. Watuzillu el mukhalif. Et aussi la hujja, elle va, c'est-à-dire avilir, hein, donc elle va faire, c'est-à-dire elle va avilir, donc il y aura l'avilissement pour celui qui va être contraire. Il va être avili, mais ça vient de la part d'Allah. Il va être avili, tout celui qui ne suit pas, il sera avili auprès d'Allah Azzajal. Il va être avili hatta aux yeux des gens. Wa in azhara al-inad wa al-mukabara fa qalbuhu khadi'un laha, dhalilun maqhulun tahta sultaniha. Donc après il dit, Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, il dit, et même s'il montre, hein, donc cette, ce rejet, ce refus, le fait qu'il rejette cela, le fait qu'il est contre cela, et aussi qu'il va s'enorgueillir par rapport à cela, donc son, qu'il veuille ou pas, hein, son cœur va, en fin de compte, il va être quand même, c'est-à-dire soumis, c'est-à-dire sans le vouloir, dans le sens où il va être, il peut rien, il sera quand même soumis, dans quel sens, dans la base, dans le sens où il est soumis par rapport à la fitra, dans le sens qu'il est à l'origine soumis par rapport à la fitra. Quoi qu'il fasse, il sait que, c'est-à-dire, il sait que, c'est-à-dire en vérité son cœur va faire que ce que Allah va lui ordonner. Lui à l'origine c'est ça. Son cœur il va être, hein, il va être zalil, il va être en vérité, il sera que en dessous de cette, de ce que Allah lui a ordonné par rapport aux preuves. Donc il va vivre parce que Allah lui aura décidé de vivre. Hein, il va, il aura besoin malgré ça de ce que Allah justement a mis dans la fitra. Et c'est pour ça que les ulama disent que la parole de Mokhem par rapport à cela elle est forte. Hein, parce qu'il va encore plus loin que ça. Il va plus loin dans le sens où c'est qu'en arabe, des fois, c'est rapide. Mais en français, des fois, il faut des longues explications. Dans le sens où, quoi que tu veux, c'est la fitra. Hein, quoi que tu veux, en vérité, c'est la saine nature qui fait que tu n'as pas le choix, tu es mejbour. Tu as besoin de tes pieds pour marcher, hein, tu vas marcher à la fitra. Tu vas parler à la fitra, tu devras faire ceci, tu devras faire cela, tu vas tomber malade, tu devras, hein, essayer de guérir de la. Comme, c'est-à-dire à la fitra. C'est-à-dire ça, tu peux rien, c'est comme ça. Tu choisis pas. Même si tu ne vas pas obéir à Allah dans ça, mais simplement. Tout ce que tu fais dans ta vie, hein, tu auras besoin de dormir, tu auras besoin d'aller aux toilettes, tu auras besoin de tout ça. Tu ne peux pas être contre cela. Tu ne peux pas être, te battre contre cela, ce n'est pas possible parce que c'est Allah fitra. Bel sultan al-jah, il n'a miyakun ma'ahu ilmun, yusasu bihi fahawa bimenzilati sultan al-sabba' wal-usud wal-nahwiha. Voire même que donc celui qui a de la notoriété, hein, qui est par exemple, imaginez-vous, imaginez le chef de la tribu, donc qui gouverne les gens, ou bien le gouverneur, même s'il n'a pas de science, hein, donc il va être, donc il va, on va le suivre, les gens vont accepter, c'est-à-dire son autorité, hein, et c'est comme si, en fin de compte, c'est la même façon, son autorité, elle va ressembler à quoi? À l'autorité, imaginez-vous, d'un groupe de lions, hein, ou bien d'un groupe d'animaux comme ça, sauvages, hein, par exemple, un groupe de lions, par exemple, un Siba, et qui va, ils ont un chef. Hein, ou bien que ce soit les gorilles, que ce soit n'importe quoi, n'importe quel animal en vérité sauvage, lorsqu'ils vivent en tribu, ils ont quelqu'un qui est un chef. Donc c'est comme ça, ils sont considérés comme ça pour ceux qui n'ont pas de science. Qudratun bila ilm wala rahma. Donc ils ont, c'est-à-dire une capacité, mais sans science et sans miséricorde. Sans science et sans miséricorde, qui sont en plus les quoi, les sifat min sifatillah azza wa jalla. La science c'est quoi? Et la miséricorde. Eux ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas justement la science et la miséricorde. Bikhilafi Sultan al-Hujja. Contrairement, hein, toujours à Sultan al-Hujja, toujours par rapport à la preuve, toujours par rapport à la preuve. Fa innahu qudratun bi'ilmin wa rahmatin wa hikmatin. Donc la différence avec la preuve scientifique, c'est que là, il y a une capacité avec science, avec miséricorde et avec sagesse. Wa man lam yakun lahu iqtidarun fi ilmihi fa huwa amma. Donc, et celui qui n'est pas justement capable d'avoir justement cette science, hein, c'est parce que justement il a pas, donc il est peut-être, il a une certaine faiblesse par rapport à cela, donc il a une faiblesse de connaître justement l'épreuve et de pouvoir comprendre l'épreuve et de pouvoir connaître l'épreuve. Donc il va, si la personne va essayer de, c'est-à-dire de gouverner les gens, ou bien de, hein, d'être au-dessus des gens, il va le faire, s'il n'a pas l'épreuve, il va le faire ou bien par la main, ou bien par l'épée. Il va le faire par l'épée. Et, mais, alors qu'en, et, mais en vérité, sinon, parce que, c'est que une autre clé, en vérité, ces paroles sont quand même assez difficiles. Sinon, la preuve, elle est quoi? Alors, en vérité, elle va être celle qui va vaincre, bien sûr, en elle-même. La preuve, c'est elle qui vainc. Qui va vaincre en elle-même, elle va être apparente C'est-à-dire, elle va être apparente, elle va faire disparaître, hein, dans le sens, tout ce qui est faux. Elle va être apparente et elle va être même au-dessus. Au-dessus de quoi? De tout ce qui est faux. C'est vrai que des fois, il y a des moments et des moments, il rentre dans des détails. Donc il faut vraiment, hein, à ce moment-là, réfléchir. Ça, il faut bien être concentré parce que il y a quand même des points qui sont vraiment costauds. Et c'est une preuve. C'est une preuve justement de quoi? De sa haute science. C'est une preuve justement de sa haute science parce que c'est des petites phrases comme ça, mais elles sont puissantes. Et des fois, à cause de certaines de ces phrases, on va retrouver des pages d'explications. Justement, il y a beaucoup d'explications. On va regrouper par rapport à ces phrases. Lui, c'est quoi? C'est un résultat de quoi? Du Coran et de la Sunna. De tout ce qu'il connaît du Coran et de la Sunna et des règles des savants. À partir de ça, on va regrouper plein de versets, plein de hadiths et plein après les Sahaba et de Salaf par rapport à cela. Et lui, des fois, il les met que en phrases, sans des fois, sans donner de dalil. Wa alaykoum salam. 30e point. El jahlu min sifat ahli an-nar. Ça, c'est triste. C'est que l'ignorance, c'est donc une des caractéristiques des gens de l'enfer. Une des caractéristiques des gens du feu. أن الله سبحانه وصف أهل النار بالجهل وأخبر أنه سد عليهم طرق العلم فقال تعالى حكاية عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. سورة الملك verset 10. Donc سورة الملك verset 10. وعليكم السلام ورحمة الله. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala les a bien sûr donc caractérisés comme les gens. C'est-à-dire les gens de l'enfer, comme quoi ils sont ignorants. Donc Allah les qualifie d'ignorants. Il annonce que, justement, il leur a barré la route à la science. Il leur a barré la route à la science. Et il dit, lorsqu'il parle d'eux, lorsqu'il les mentionne, il dit, donc si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Donc ils ont reconnu leur péché. Donc, soit le Mouk, verset 10 et verset 11. Soit le Mouk, verset 10 et verset 11. Donc, nous, ils ont reconnu, bien sûr, leur péché. Enfin, Surkhan, les Ashab Israël. Surkhan, c'est-à-dire loin. Hein, lorsqu'on dit Surkhan, c'est-à-dire loin. C'est-à-dire aller loin, c'est-à-dire loin en enfer. C'est-à-dire les gens, bien sûr, de l'enfer. Donc, verset 11 aussi dans soit le Furkan. Verset 10 et verset 11. Enfin, Akhbarou, Annahum, Kanu, La Yasmaoun, Wa La Yaqiloun. Donc, eux-mêmes, ils reconnaissent, ils avouent. Comme quoi, ils n'écoutaient pas. Ils n'écoutaient pas quoi? L'ilm, la science. Ou alors, yaqilun. Ils ne raisonnaient pas. Donc, il faut que tu raisonnes. Tu ne vas pas venir inventer. Tu comprends. Tu vas comprendre comme les savants t'ont expliqué. Ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Soit anéantis à jamais. Et sam'u wa l'aqlu huma aslul ilm. Wa bihima yunal. Donc le fait d'écouter et le fait de raisonner, ce sont eux les deux origines de la science. Et à partir de cela, la science va être prise. La science, elle va être justement récupérée. Et elle dit, subhanahu wa ta'ala, وَلَكَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Oulaïka kal'an'am, belhum adal, oulaïka humun ghafiloun. Surat al-A'raf, verset 179. Surat al-A'raf, verset 179. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc aussi, fa akhbaru subhanahu annahum lahum, yahsulu lahum ilmun, min jihati al-ilm al-thlatha, wa hiya al-aql, al-sam' wa al-basar. Kama qala fi mawdi'in akhar, summun buqmun, Umyun fahum la yaqilun. Soit le Baqara verset 17. Soit le Baqara verset 17. Donc nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Soit l'Araf verset 179. Donc Allah subhanahu wa ta'ala montre que la science est justement quoi? Va être acquise par ces trois points-là, par trois points, qui sont donc l'acte, le raisonnement qui provient du cœur, donc c'est ton cœur qui va accepter, hein, le fait d'écouter, le basal, le fait de voir. Comme il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, donc dans un autre verset, « Hein, Sourate al-Baqara, verset 17. Parce qu'ils ont pas mis ça. Non, c'est ça, c'est ce mot de Bokoum. Parce que moi, je voulais exactement, t'as vu comment c'est écrit, t'as vu. Laisse prendre un âme. Donc, ça, Baraklaou Fikoum Nam. Donc, l'erreur est dans le livre. L'erreur, c'est sur le livre, c'est Sourate al-Baqara, verset 18. Baraklaou Fikoum, donc, vous avez raison. Parce que je voyais que c'était différent. C'est verset 18, pas 17. Donc, sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. Ils ne peuvent pas revenir donc de leur égarement. Baraklaou Fikoum. Donc surmués avec, ils ne peuvent pas revenir justement de leur égarement. Naam. Wa qala ta'ala afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar lakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sourate al-Hajj verset 46. Sourate al-Hajj verset 46. Donc il dit subhanahu wa ta'ala. Donc ne vont-ils pas voyager sur terre? Et ils auront bien sûr donc des cœurs avec lesquels ils vont raisonner et des oreilles avec lesquelles ils vont entendre. Certes, les yeux, c'est-à-dire que ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont aveugles, les cœurs qui sont dans les poitrines qui sont aveugles. Et naam, parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle d'aveugle, bien sûr, il ne parle pas de. Ça veut pas dire que l'aveugle est ignorant. Ça veut dire que Cheikh Mohamed Ibrahim, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Abdelaziz Al-Shir, Cheikh Souhaimi, Cheikh Obaid Al-Jabiri, et d'autres seraient quoi? Qui sont aveugles, donc seraient ignorants. Et on sait que ces gens-là font partie des ulama. Donc le Hajj verset 46. Soit le Hajj verset 46. Ne voyage-t-il pas sur terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre, des oreilles pour entendre, car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Il dit subhanahu wa ta'ala aussi, soit l'Ahqaf verset 26. Soit l'Ahqaf verset 26. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يشهدون بآيات الله وحاق بهم وكانوا به يستهزئون وقد وصف أهل الشقاء كما ترى بعدم العلم وشبههم بالأنعام تارة وتارة بالحمار الذي يحمل الأسفار وتارة جعلهم أضل من الأنعام وتارة جعلهم شر الدواب عنده وتارة جعلهم أمواتا غير أحياء وتارة أخبر أنهم في الظلمات الجهل والضلال وتارة أخبر أن على قلوبهم أكنة وفي أذانهم وقرا وعلى أبصارهم غشاوة وهذا كله يدل على قبح الجهل وذم أهله وبغضه لهم كما أنه يحب أهل العلم ويمدحهم ويثني عليهم كما تقدم والله المستعان. Donc il dit subhanahu wa ta'ala dans son Ahqaf verset 26, en effet nous les avons conciliés dans des positions que nous n'avons pas données, nous leur avons signé, donc assigné une ouïe, des yeux et des cœurs, mais ni leur ouïe, ni leur cœur, ni leurs yeux, ni leur cœur ne leur ont profité en quoi que ce soit, parce qu'ils niaient les signes d'Allah. Est-ce donc ils se moquaient les cernants? Elles ont-ils se moqué les cernants? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié donc les gens du malheur, hein, donc les a qualifiés comme quoi que ce sont des al-shaqa, c'est-à-dire les gens qui ne vont pas profiter, ils auront une mauvaise fin. Donc, on voit que Allah a le fait qu'ils n'ont pas de science, Allah a le fait ressembler des fois à des animaux, de temps en temps dans le Coran, ou de temps en temps à quoi? À des ânes qui portent des livres. Ou de temps en temps, donc, Allah dit de eux qu'ils sont encore plus égarés que les animaux. Et de temps en temps, il parle d'eux comme quoi qu'ils sont les pires des bêtes auprès de lui. Et de temps en temps aussi, il les compare à des morts qui ne sont pas vivants. Et aussi, Il les compare aussi comme quoi ils sont, c'est-à-dire il dit d'eux qu'ils sont, bien sûr, dans les ténèbres de l'ignorance et de l'égarement. Ils sont dans les ténèbres de l'ignorance, de l'égarement, et de temps en temps aussi, il annonce que dans leur cœur, il y a quoi? Leurs cœurs sont scellés. Hein, donc il y a des cannes dans les cœurs, leurs cœurs sont scellés, et aussi, c'est-à-dire donc il y a il y a des bouchons hein, dans leurs oreilles, et aussi bien sûr, ils ne voient pas. Et bien sûr aussi, donc ils sont, hein, donc ils ont ce qui va les empêcher, leur empêcher de voir. Et tout cela est une preuve justement de que l'ignorance c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de mauvais, et que les gens qui sont ignorants donc sont réprimandés. Et Allah Azza wa Jalla les déteste. Comme aussi il aime, de la même façon qu'il aime les gens de science, il les loue, il les vante, comme on a vu auparavant. Tous les heures, moi je sais pas, c'est où par rapport à moi le casier 1h20, c'est bon, 1h25, ça suffit. Donc, barakallahu fikoum, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et inch'Allah, on continuera, là on est.